Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. La mer, c'est grand, tellement grand que certains voudraient appeler la Terre la mer. Et cependant, il arrive que deux navires se rencontrent comme deux vulgaires voitures au triangle de Rocancourt. Comment réussir à se rentrer dedans quand on est sur l'immensité des flots? C'est la question posée par exemple par cette collision maritime entre le John McCain, un navire de guerre américain, et l'Annick MC, un pétrolier battant pavillon libérien le 21 août dernier. C'était à l'est de Singapour et il s'agit du deuxième accident en deux mois pour la marine américaine en Asie. Une collision maritime, c'est le premier échec analysé dans Super Fail. Bonjour Martin Mott. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes historien, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Vous êtes également responsable du cours de stratégie à l'école de guerre. Et la collision de deux navires, c'est un peu votre domaine. C'est notamment votre domaine pour nous expliquer comment cela se fait-il que deux bateaux réussissent à se rencontrer dans ce coin-là du globe. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? L'hypothèse la plus probable à l'heure actuelle, retenue en tout cas par les enquêteurs, semble-t-il, c'est une avarie de barre. Donc le bateau ne manœuvrait plus. Et normalement, lorsqu'il y a l'avarie de barre, on a un système de compensation, enfin un système de rechange, et il y aurait eu une défaillance de ce système. Donc c'est le cumul de deux avaries. C'est-à-dire que le bateau, soudainement, n'est plus gouvernable ? Le bateau n'est plus gouvernable. C'est l'hypothèse, une hypothèse qui est retenue, mais ce n'est pas la seule, parce qu'on incrimine aussi les possibles défaillances humaines. Ça, c'est en particulier la presse chinoise pointe la mauvaise qualité des marins américains, et pour des raisons qu'on imagine. Bien sûr. Parce que ça les intéresserait vraiment. Oui, évidemment, parce que ça montre que. Alors, il faut savoir que ce bateau était en train de faire une opération dite de promotion de la liberté de navigation. Donc, les Chinois considèrent en fait la mer de Chine méridionale comme des eaux territoriales, ce qu'elles ne sont pas en droit international. Et d'ailleurs, les prétentions chinoises ont été déboutées récemment au niveau international. Et par conséquent, ils voudraient avoir la police de la navigation dans cette zone. Et les Américains y vont pour montrer que justement, c'est une zone internationale. Donc, dire que le bateau qui est chargé d'assurer ou de promouvoir la liberté de navigation et cause d'un accident et donc entrave d'une certaine manière la circulation maritime, c'est tout à fait bon pour les Chinois. Mais dites-moi comment cela se fait-il, Martin Mott, qu'un bateau devienne soudainement ingouvernable, le système donc qui permet de manœuvrer et le gouvernail, je ne sais pas quel terme exact employer, comment cela se fait-il que ce système devienne soudainement inopérant ? Alors écoutez, on a évoqué alors la cyberattaque, parce qu'aujourd'hui oui, évidemment parce que tous ces systèmes évidemment sont pilotés aujourd'hui par des ordinateurs, c'est comme une voiture avec une direction assistée. Si votre direction assistée tombe en panne, vous n'aurez plus votre voiture. C'est la même chose avec un bateau. Ça pouvait être à l'époque où il n'y avait pas de direction assistée, ça pouvait être tout simplement une rupture dans les chaînes qui transmettaient le mouvement de la barre au gouvernail. Enfin, il y a 50 manières pour lesquelles un bateau devient ingouvernable. Hein. Alors on a dit que ce bateau pouvait avoir été hacké. Non, mais ça, c'est l'hypothèse donc, de la cyberattaque. Bon, honnêtement, c'est peu probable. Parce que on voit pas quand même que les Américains n'aient pas les moyens de déjouer sur des bâtiments aussi performants une cyberattaque. Bon, c'est pas exclu, mais voilà, c'est pas une hypothèse qui n'est pas exclue. Néanmoins, ça n'est pas la première des collisions qui est intervenue pour la marine américaine. C'est la seconde, donc en deux mois. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions de la précédente ? Alors, les conditions de la précédente, ça se passe au large du Japon. Le 17 juin 2017, c'est un bâtiment américain, un bâtiment de l'US Navy, l'USS Fitzgerald, qui percute un porte-conteneur philippin. Il y a 7 morts et 2 blessés. Là, il y a eu, dans la collision la plus récente, 10 morts, me semble-t-il, et 5 blessés. Donc c'est du même ordre, toujours sur le bateau américain. Là, l'enquête semble avoir déjà reconnu des fautes d'inattention. Et le commandant et deux autres officiers du bateau ont été relevés. Et il y a des poursuites engagées contre l'équipe de quart qui était donc de service au moment où il y a eu la collision. Parce que des bateaux de ce type, qui sont quand même de gigantesques bateaux, ils n'ont pas un système de radar. Ça se pilote comme on conduit un scooter, par exemple. Alors justement, c'est là que serait peut-être la cause de ce qui s'est passé. Dans les deux cas, il y a vraiment une habitude dans l'US Navy de se reposer sur la machine, sur l'automatisation. Et bon, l'automatisation, les systèmes d'aide à la navigation sont... et les systèmes anti-collision également qui vous donnent l'alarme, c'est-à-dire qui, lorsqu'il y a deux navires qui sont sur une trajectoire de collision, qui peut être calculée par un ordinateur en fonction de leur cap et de leur vitesse, ça c'est beaucoup plus facile aujourd'hui avec les ordinateurs, eh ben, la machine va sonner l'alarme avec un préavis suffisant pour qu'on puisse dévier, parce que évidemment sur mer, et c'est pour ça, ça limite la comparaison que vous faisiez tout à l'heure avec les voitures, enfin, vous avez un mouvement d'inertie très grand pour arrêter un bâtiment, même si aujourd'hui avec les hélices qu'on peut inverser, ça, ça se fait un peu plus facilement qu'autrefois, mais vous avez un mouvement d'inertie très grand. Bon, donc ces systèmes sont tout à fait au point. Le problème, c'est qu'ils sont tellement au point qu'ils induisent une confiance qui peut s'avérer extrêmement trompeuse. Et très concrètement, ça peut induire une perte du sens marin. Le sens marin, qu'est-ce que c'est ? C'est l'observation permanente. C'est l'évaluation des distances qui sont très compliquées sur mer parce que vous avez la perturbation. D'abord, plus les distances sont grandes, plus elles sont difficiles à évaluer. Bah, d'autre part, vous avez évidemment tous les phénomènes météorologiques qu'on peut trouver sur la route, mais qui sont, disons, beaucoup plus fréquents en mer. Vous avez des reflets, vous avez la cinématique, vous avez le fait qu'en mer, c'est très difficile de savoir sous quelle incidence se présente le bateau qui est en face de vous. Pourquoi ? Parce que il suffit que la visibilité soit pas trop bonne pour que vous ne voyez plus qu'une masse, donc vous savez pas où est l'avant, où est l'arrière, etc. Alors, ça peut être plus simple avec un bateau comme un pétrolier, parce que les superstructures sont pas forcément très élevées, etc. Mais les porte-conteneurs, c'est comme si vous aviez un immeuble de 15 étages sur mer, et quand vous voyez ça de loin et dans la brume, vous savez absolument pas, vous voyez une sorte de montagne qui se déplace, vous savez pas du tout l'incidence, l'angle que vous formez avec elle. Très difficile à apprécier. L'autre explication à laquelle on songe, c'est que certes, la mer c'est grand, mais à certains endroits, ça ressemble un peu à l'autoroute A6 entre Orange et Valence, il y a beaucoup de circulation. Est-ce que c'est ça qui explique souvent les collisions, Martin Mott ? Ah bah c'est clair, parce que là, évidemment, quand on dit que la mer c'est 71% du globe, on a beau prendre le total de bateaux et le répartir, on se dit voilà, ça va pas taper, mais non, parce que évidemment, les bateaux sont tous au même endroit. En réalité, les routes maritimes sont pas si nombreuses que ça. Il y a l'Atlantique Nord qui est très fréquenté, l'Atlantique Sud, qui l'est un peu moins, il y a l'océan Indien du Nord, et puis évidemment, il y a les mers de Chine. Et là, pour le dernier accident, hein, celui du 21 août, eh bien, c'est dans le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca, c'est le détroit le plus fréquenté du monde. C'est un détroit qui concentre quelque chose comme le quart du trafic mondial. C'est un détroit qui voit passer 50 000 navires par an. Et autrement dit, c'est un détroit où il passe un navire toutes les 8 minutes en moyenne. Toutes les 8 minutes. Et attention, ce détroit... la largeur moyenne va chercher dans les 30-40 km, mais le goulet d'étranglement au sud, c'est 2800 mètres. Donc évidemment, c'est très facile de percuter. Des implications politiques également. Ah bah les implications politiques sont très claires là. Justement parce que la Chine revendique cette mer de Chine méridionale comme zone de pleine souveraineté, hein, alors que ce n'est pas du tout le cas en droit international. Elle ne veut pas y voir de bateaux étrangers, autrement qu'avec son aval et son contrôle. Donc les Chinois disent, bah, vous voyez bien que les Américains commettent des accidents, parce qu'effectivement vous avez dit deux accidents en deux mois, mais en réalité depuis le début de l'année dans la zone c'est quatre accidents impliquant des navires américains, donc c'est quand même beaucoup. Et donc les Chinois arguent de ces accidents américains pour dire que eux vont rétablir la sécurité de la navigation, et la preuve qu'ils en donnent, c'est qu'ils ont installé 5 phares sur des îlots de la mer de Chine. Or, ce qui n'est pas complètement innocent. C'est pas innocent, puisque ces îlots sont occupés, pour beaucoup d'entre eux, illégalement, d'après le droit international. Donc ça donne une bonne raison, une raison supplémentaire, en tout cas, d'occuper des terres qui ne devraient pas être occupées par les Chinois. Alors je crois que, de toute façon, quand vous prenez l'histoire de la puissance maritime dans ses plus grandes dimensions, c'est-à-dire en remontant à 25 siècles en arrière, vous vous rendez compte que être maître de la mer, c'est pas uniquement avoir les bateaux de guerre, etc. C'est pouvoir effectivement promouvoir une législation maritime, y compris dans ses aspects les plus civils et quotidiens, le trafic, etc., et la faire appliquer. La police, ce qu'on appelle la police des mers. Et donc, depuis, vous prenez la première loi maritime qui nous soit parvenue, c'est la Lex Rhodia, qui doit remonter au 5e siècle ou 4e siècle avant Jésus-Christ, et qui a d'ailleurs été à l'origine du droit maritime contemporain, puisqu'elle prévoit déjà les collisions, les problèmes d'assurance. Bon, ça correspond toujours à la puissance maritime dominante. Quand on est la puissance maritime dominante, on édicte le droit maritime. Et donc, les Chinois sont évidemment très actifs sur ce créneau parce que ça consolide leurs prétentions sur la mer de Chine méridionale. Les implications politiques, au sens d'ailleurs le plus large du terme, sont souvent présentes dans une collision. Si on prend par exemple la collision la plus célèbre au monde, celle entre le Titanic et un iceberg, c'était en 1912, Martin Mott. Oui, moi je pense que cette collision s'explique en grande partie, évidemment je ne suis pas le seul à le penser, par en réalité des facteurs aussi militaires. Alors c'est évidemment un bâtiment civil, c'est un paquebot, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, les paquebots les plus rapides, que ce soit en Angleterre et en Allemagne, et les deux puissances sont en rivalité en course aux armements navals à cette époque-là, eh bien sont en partie financés par les amirautés, parce qu'ils peuvent être réquisitionnés en temps de guerre comme croiseurs auxiliaires. Et leur vitesse est évidemment l'atout numéro un s'agissant d'un croiseur. Bon. Or, il existe à cette époque-là une course, depuis le milieu du 19e siècle, une course pour la traversée de l'Atlantique Nord la plus rapide, et qu'on appelle la course du ruban bleu. Et cette course, dans les années précédant la guerre de 14-18, est disputée essentiellement entre les paquebots anglais et les paquebots allemands. Et qu'est-ce qui se passe avec l'affaire du Titanic ? Ben, il se passe que le commandant du Titanic, abordant une zone où il sait qu'il y a des icebergs, aurait dû diminuer sa vitesse de manière à avoir un bâtiment plus facilement freinable face à un iceberg et ne l'a pas fait parce qu'il voulait à tout prix battre le record de vitesse. Donc on peut dire que d'une certaine manière, la catastrophe du Titanic, c'est une sorte de conséquence anticipée de la Première Guerre mondiale. Une autre collision qui, elle, n'a pas d'implication politique immédiate, mais qui en revanche a pour cause le facteur humain, c'est une célèbre collision qui a eu lieu en 1893, qui est souvent étudiée en matière donc de collision maritime. Expliquez-nous en quoi elle consistait cette collision et pourquoi elle est si souvent étudiée, Martin Mott. Alors c'est une histoire qui implique la flotte de Méditerranée de la Royal Navy. La flotte de Méditerranée, c'est au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, l'élément numéro un de la Royal Navy, parce qu'évidemment il faut protéger la grande route impériale qui va d'Angleterre aux Indes. Il faut donc protéger la route qui va de Gibraltar à Malte et au canal de Suez, et c'est donc la mission numéro un de la Royal Navy. Alors, elle est commandée, cette flotte de Méditerranée, par un certain amiral Tryon, qui est considéré comme un des meilleurs marins de sa génération. Et cet amiral Tryon va en fait ordonner devant Tripoli du Liban, où la flotte relâche à ce moment-là, une manœuvre qui est extrêmement osée, puisqu'en fait, il a sa flotte qui est déployée sur deux lignes parallèles, comptant chacune six cuirassés plus tout leur environnement. Et il va leur ordonner de faire demi-tour à 180 degrés à ces deux colonnes. La colonne de gauche fait demi-tour à 180 degrés à droite, et la colonne de droite fait demi-tour à 180 degrés à gauche, de manière à ce qu'elles viennent se ancrer parallèlement l'une à l'autre, dans le sens inverse à celui où... Vous faites un cœur avec les mains, en quelque et sorte. Voilà. Et alors, en fait, quel est le but ? Ben, le but, c'est d'en mettre plein la vue aux gens qui regardent depuis le rivage, oui. Et parce que il faut savoir qu'à cette époque-là, vous avez des revues navales, et que manifester la puissance d'une nation, la puissance navale d'une nation, c'est être capable d'organiser une belle revue navale. Et organiser une belle revue navale, c'est pas seulement mettre beaucoup de bâtiments de guerre, mais c'est être capable de montrer un beau ballet naval. Mmh. Et donc faire de la virtuosité, un peu comme quand la patrouille de France fait des vols qui se croisent, qui s'entrecroisent, etc. Là, on fait la même chose avec des cuirassés. Le problème du cuirassé, c'est que ça freine pas. Et là, les rayons de giration étaient mal estimés, trop courts, etc. On s'est demandé d'ailleurs si l'amiral Tryon, à ce moment-là, n'était pas malade. On le saura jamais, puisqu'il a coulé avec son bâtiment. Et donc, beaucoup de ses officiers lui avaient dit avant la manœuvre que c'était pas du tout réaliste d'avoir prévu ce type de manœuvre, etc. Il n'a pas voulu l'écouter. Et ce qui est curieux, c'est qu'aucun officier n'a désobéi alors qu'il voyait bien, et il l'avait dit avant, qu'on allait à la collision. Et c'est d'autant plus curieux que lui-même avait édicté dans cette escadre de la Méditerranée une directive qui disait que lorsque un bâtiment était en péril imminent, le commandant devait s'affranchir des directives de son chef. Mais il y avait ce qu'il préconisait, c'était cette autonomie de jugement du commandant de chaque bateau. Et puis il y avait le fait que c'était un caractère extrêmement autoritaire, respecté et à la limite tyrannique. Et que les bons hommes à qui on avait dit désobéissez si c'est dangereux d'obéir, n'ont pas osé désobéir. Et ils ont coulé. Alors, ils ont le cuirassé amiral a tapé le cuirassé de l'autre fil, le premier cuirassé de l'autre fil, et il a coulé, et l'amiral Toyon a coulé au garde à vous. À l'époque, ça se faisait. C'est pas une... À la différence de celui oui. qui dirigeait le Costa Concordia, oui. qui lui oui. A réussi à prendre la poudre d'escampette. Ou de Lord Jim, pour citer un exemple romanesque, puisque le roman de Joseph Conrad, le magnifique roman de Joseph Conrad, commence justement par un échouage, et l'officier de quart panique. Et au lieu d'assumer ses responsabilités, saute le premier dans une chaloupe en abandonnant les passagers. Merci beaucoup Martin Mott. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous allez faire paraître, Manuel de stratégie de l'école de guerre, c'est chez Talendier. Super Fail a été préparé par Élodie Piel, réalisé par Alexandre Fougeron avec Adelino Mello à la technique. À bientôt et d'ici là, bon échec. Super Fail.